pas doué pour les paroles. Vraiment, ce n'est pas de bol. Mais je tiens quand même à dire que si j'avais à écrire, je n'irais pas par quatre chemins. Pas de sonnette en Alexandre. Je vais chanter. Moi non plus, je n'ai pas de bol, j'en ai pas. Mais je tiens quand même à dire, tu vois, que moi je fais car tu vois. J'irai pas par quatre chemins. Bon, je suis un musicien.